La délégation artistique des Coréens résidant au Japon, conduite par Tsang Gi-sen, est arrivée le 31 janvier à Pyongyang par avion pour la célébration de la journée de la brillante étoile.